Alors, nous sommes dans Marc, chapitre 6, verset 7. Il appela les 12 et se mit à les envoyer deux par deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement, ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Mais, disait-il, chaussez-vous de sandales et ne revêtez pas deux tuniques. Il leur disait, dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Et si quelqu'un part, les gens ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, pardon, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. J'ai intitulé le message aujourd'hui « Jésus, c'est lui, Hérode, c'est moi ». Parce que dans l'autre passage, tout de suite après, on va parler de Hérode, qui est le roi qu'on a vu à la naissance de Jésus. Et là, on apprend d'autres choses sur sa personnalité et sur ses actions surtout. Jésus, c'est lui, Hérode, c'est moi. On voit ici que Jésus envoie simplement. Jésus envoie simplement. Et on remarque que tout ce que Jésus fait, il le fait avec simplicité. C'est ça qui est merveilleux. Nous, on se complique la vie, on se racle les méninges pour trouver les solutions. Comme je vous dis, on parle de cet été, de ces soirées d'évangélisation. Comment on va faire ça? Alors que Christ est tellement simple. Alors, c'est sûr qu'on veut revenir à ça, mais on vit dans un monde complexe, malheureusement. Alors, prions que personnellement, cet enseignement-là nous parle simplement et que l'on puisse appliquer ces versets-là à notre vie simplement. Seigneur, comme on vient d'apprendre, on vient d'être mis au défi à te louer. Maintenant, puissons-nous être mis au défi à appliquer ta parole de façon simple dans notre vie, à nous reconnaître dans ta parole et à désirer la comprendre, l'appliquer, la mastiquer et la digérer, Seigneur. Nous te donnons cette étude. Sois avec nous, au nom de Jésus. Amen. Alors, au verset 7, ça commence avec, justement, « Alors ». « Alors, il appela les 12 et se mit à les envoyer deux à deux. » Évidemment, quand ça commence avec « Alors », c'est que ça fait référence à quelque chose qu'on vient de voir la semaine passée. Vous vous souvenez, Jésus est à Nazareth et il est incapable d'être entendu. Les gens ne veulent pas l'entendre parler, ils me mettent en doute, ils le rejettent. « Ah, t'es le fils à Marie, on sait bien, t'es le fils à maman, t'étais un simple travailleur, on ne veut pas vraiment t'entendre. » Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Ça pourrait dire « Alors Jésus s'en va et oublie ces gens-là, les laisse mourir en enfer. » Ce n'est pas ce que ça dit. Il envoie ses disciples. C'est intéressant de voir que, comme on a dit la semaine passée, Christ ne lâche pas prise. Il trouve de nouvelles approches pour nous rejoindre. Et peut-être que dans vos vies personnelles, c'est ce que vous avez vu. Il y a peut-être des gens qui vous ont parlé du Seigneur au tout début, vous avez entendu ça à partir de, je ne sais pas quoi, la TV ou autre chose. Alors, Christ envoyait la bonne personne au bon moment pour rentrer dans votre cœur, hein, pour avoir un impact au bon moment. C'est merveilleux. Alors, il n'est pas orgueilleux, mais il continue à avoir confiance que différentes méthodes auront différentes résultantes. Alors, il envoie les apôtres. Envoyer, c'est le mot grec apostello. Et on sait, on reconnaît le mot apôtre. Apôtre, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut simplement quelqu'un qui est envoyé avec une commission, une mission spéciale de représenter un autre individu. Alors, les gens sont envoyés pour représenter Christ. C'est sûr que Christ avait déjà tout un stigma attaché à sa personne, alors que les apôtres, eux, c'est des pêcheurs un peu brutus, alors que, bon, Jésus, étant le Fils de Dieu, son message était très clair, alors que les apôtres, on s'imagine un peu comme nous, comment je vais partager l'Évangile, qu'est-ce que je vais dire? Ils balbutiaient un peu. Alors, ils sont les apôtres envoyés de façon spéciale. On dit ici, en leur donnant pouvoir, au verset 7, sur les esprits impurs. On leur a donné le pouvoir. le pouvoir, qui est le verbe exousian, exousian, qui est le droit. Le droit, et ça on en a parlé déjà, de maîtriser les démons, hein, de exorciser les démons des gens qui, à cette époque, et parfois de nos jours, étaient sous l'emprise du mal. Alors, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, c'est plutôt rare, sauf certains ministères qui mettent un emphase, comme on a dit, sur l'exorcisme. C'est souvent aujourd'hui, c'est quoi l'effet d'un pasteur ou l'effet d'un ministère? C'est des vies transformées. C'est des gens qui commencent vraiment à avoir un appétit pour la parole de Dieu, qui ont envie de marcher dans la vérité de Dieu. Si ça se passe dans une église, petite ou grande, ça veut dire que le pasteur ou l'église ou les gens qui y sont auront reçu finalement ce pouvoir-là ou ce droit de parler la parole pour Christ. En toute humilité, bien sûr, mais c'est souvent ça le fruit aujourd'hui, de voir les gens transformés. Et on voit ça peut-être dans le service anglophone, où on voit toutes sortes de jeunes qui sont chrétiens depuis longtemps, mais qui disent « Hey, j'ai enfin envie de lire la parole ». Alors voilà, ça, c'est un exemple de l'effet qu'un ministère peut avoir sur eux. Alors, Jésus les envoie deux par deux. Jésus les envoie deux par deux. Et tout à l'heure, j'ai entendu dans un corridor, « Ah, j'aimerais avoir un mari ». C'est notre appel à tous, d'avoir un compagnon, une compagnonne, avec qui on peut voyager dans la vie. Parce que c'est dur, c'est tough. On est seul, on est essentiellement profondément seul. Le mariage va aider ça de façon évidente. Hein? C'est l'appel de la plupart d'entre nous. Mais donc, c'est que, en quelque part, dans notre DNA, dans notre fort intérieur, Dieu a mis cette graine-là, ce besoin d'être deux par deux. C'est vrai, hein? On se sent, alors pas juste dans le mariage, juste un bon ami, une bonne amie avec qui on peut prendre un café, avec qui on peut jaser. Donc, quand on fait l'évangélisation, quand on va partager, vous avez tous fait ça à un moment ou à un autre, vous avez partagé votre foi, c'est bien de savoir que tu n'es pas tout seul. C'est bien de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui prie et qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait là si on se mettait à se moquer de toi ou à dire des choses méchantes ou quoi que ce soit. Deux par deux, ce n'est pas une coïncidence. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9, on nous dit que deux est mieux qu'un. Deux est mieux qu'un. Il y a toute l'illustration, s'il y en a un qui tombe, l'autre peut le relever, c'est moins froid à deux, c'est tout ça, hein? c'est bon. Alors, c'est bien clair que ça fait partie de l'Ancien Testament aussi. On devait avoir deux témoins pour prouver quelque chose, il devait y avoir au moins deux personnes. C'est encore le cas aujourd'hui dans nos cours de loi, là, je ne pense pas que c'est deux personnes, mais c'est un certain nombre. Et donc, si un apôtre, si quelqu'un allait chez une maison, et quelque chose se passait, ben, s'il y a une autre personne qui peut corroborer ce qui s'est passé, hein, dans l'Ancien Testament, ça disait qu'il fallait deux personnes. Donc, au verset 8, on continue. « Il leur recommanda de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement, ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Mais, disait-il, chaussez-vous de sandales, ne revêtez pas de tunique. » Il leur disait, « Dans quelques maisons que vous entriez, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. » C'est intéressant de voir que quand les gens allaient chez quelqu'un, l'hospitalité était de mise. Ça a bien changé aujourd'hui. Quelqu'un vient sonner chez toi, on sait, on ouvre à peine la porte. Et ça, c'est au Québec ou aux États-Unis, c'est pire. T'as peur, tu penses que c'est la fin du monde. Alors, de toute évidence, ça a bien changé. Dans le temps de Jésus, l'hospitalité, quelqu'un venait chez toi, tu le laissais entrer, tu le laissais habiter chez toi pendant un certain temps. Ça faisait partie de leur mœurs. C'est encore comme ça dans certaines cultures du Moyen-Orient. Donc, ça, c'était prêt pour acquis, que tu pouvais cogner à la porte et rester là. Ensuite, il dit, allez avec finalement très peu de choses. Amenez votre bâton, qui est un bâton, c'est un bâton pour la marche. Parce que, on sait, vous vous souvenez, c'est des sols très chaotiques, c'est glissant, t'as pas de bons souliers, alors c'est un bâton qui te permet de marcher. Ensuite, des sandales. Des sandales, c'était une sandale de cuir, plate, ou en cuir ou en bois, et avec une petite lanière de cuir, très très simple, que vous portiez. Alors évidemment, ça protégeait peu les pieds, d'où l'idée qu'il fallait que tu te laves les pieds quand tu rentrais chez quelqu'un, parce que tes pieds étaient littéralement dégoûtants, hein, après avoir marché, la sueur, la boue, et tout ça. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir ceci. Ne prenez ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Le mot ici pour sac, le mot pour sac, peut dire deux choses. Ou un sac d'un voyageur. Un sac d'un voyageur. Alors, on connaît, nous, on a tous des sacs ultra modernes, noirs, avec toutes sortes de trucs, des petits zippers et tout le tralala. À ce moment-là, c'était une peau d'animal, habituellement pris au complet, qui retenait la forme de l'animal. C'est beau. Alors, tu avais un mouton ici, une petite vache, là, non, mais tu avais vraiment un sac en forme d'animal que tu portais. Et évidemment, bon, parfois, il y avait même toute la forme de la queue, des jambes. Alors, là-dedans, tu transportais du pain, des olives, du fromage pour que ça dure une journée ou deux. Jésus vous dit, n'amenez rien, n'amenez aucune nourriture. Soyez complètement nus au niveau de l'indépendance. Hein? Ensuite, ce même mot-là pour sac, c'est le mot qui est utilisé, c'est pera. Pera, ça peut aussi dire un sac pour aller collecter de l'argent. Un sac pour faire une collection financière. Les gens du temps, les religieux du temps, avaient de petits sacs comme ceux-là. Et ils allaient, puis ils faisaient, on voit ça encore aujourd'hui, ils faisaient bouger les sous dans le fond du sac, cling, cling, cling, cling, cling, cling, pour inviter les gens à donner. Alors ici, c'est clair, non seulement n'amenez pas de sac, ici, ça veut dire l'autre sac, allez pas demander de l'argent quand vous allez habiter chez les gens. Et on sait que aujourd'hui, dans la culture chrétienne, depuis au moins 50 ans, les finances sont très importantes. Les gens en parlent. Les gens en parlent de la chair. Les gens demandent des ressources. Là, si vous voulez que votre ministère continue, s'il faut payer pour le loyer, il faut donner. Dieu vous a donné, donnez. Et il y a vraiment une poussée pour cela. Alors que nous, et le mouvement Carbuchapa est arrivé là-dedans, on en a assez. On veut nettoyer tout ce processus-là. Donner, ça fait partie de la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, comme je vous en ai parlé, donner avec joie, avoir un plaisir. Ouais, prends-le, ben c'est ton argent, de toute façon, tu me l'as donné, je te la redonne. Mais ce n'est pas sous pression qu'on donne. Ce n'est pas parce que les ministères ou les gens... Et c'est ça qui Jésus confirme. N'allez pas demander de l'argent. Faites confiance que Dieu va pourvoir. Que Dieu va pourvoir. Et le ministère et nos vies doivent être comme cela. Confiance. Ayez confiance. Pas facile. C'est pas facile. Ensuite, on nous dit ici, on nous parle de tunique. Ne revêtez pas de tunique. Bon, pour comprendre l'idée de la tunique, parlons-en vite. Qu'est-ce que les Juifs de ce temps-là portaient? Qu'est-ce qu'ils portaient? Ils portaient deux vêtements. Deux vêtements. Le chiton ou sidon, ça dépend de la façon dont tu l'écris, et l'autre tunique qui s'appelait le himation. Le chiton, c'était le vêtement intérieur. C'était un long morceau de tissu cousu d'un côté, pas de trou, pas rien. Tu obtenais ce trou, finalement, c'est un immense morceau de tissu et tu faisais un trou toi-même pour ta tête et un trou pour tes bras. Quand les trous étaient faits, tu savais que quelqu'un d'autre l'avait porté. Pas compliqué. C'est comme quand tu veux pas acheter des sous-vêtements qui sont sortis du petit sac. Ben, à ce moment-là, c'était une fois qu'il y a un trou dans cette tunique-là, tu sais que tu jettes ça, tu portes pas ça. C'était ça, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de trou à l'origine. Okay? Donc, tu achetais ça comme une espèce de grand sac à patates, mais doux, sur lequel tu mettais directement sur ton corps. C'était ça, ton sous-vêtement de base. Ensuite, il y avait une autre tunique. Une autre tunique qui était un immense morceau de tissu d'à peu près 7 pieds, OK? Et qui était aussi cousu d'un côté. Et ça te servait de manteau et de couverture pour dormir la nuit. Alors, tu avais ça dessus et aussi tu pouvais l'envelopper pour être confortable pour dormir. Alors, hein, c'est comme nous avoir un manteau ou d'hiver ou autre chose. Dans ce cas-ci, Jésus dit non, pas de deuxième manteau. Alors, finalement, allez donc en sous-vêtements, prêcher. Alors, c'est un peu ça. Donc, c'est évidemment un sous-vêtement qui est portable. Mais l'autre, ça veut dire que tu es protégé. Ça veut dire que quand tu es mieux couvert, que tu peux bien dormir, c'est ça qu'ils utilisaient. C'est difficile pour nous, hein, de faire confiance à Dieu. de partir sans tous ces objets-là. Puis on sait, nous autres, c'est pas compliqué, c'est des voitures, c'est des... Ah, mais là, pas seulement des voitures, mais il faut avoir des lampes de poche dans nos voitures, il faut avoir de l'eau extra. Tu sais, il y a toute l'idée qu'd'un moment à l'autre, il va avoir une panne d'électricité, il faut avoir une génératrice, il faut avoir s'il faut être équipé s'il y a une tornade. Ah, ça n'a plus de sens. On vit dans la crainte. Puis hein, vous vous souvenez, durant le tournant de l'an 2000, il y avait une espèce de folie incroyable. Les gens s'étaient fait des trous. Ils avaient gardé de la nourriture pour des mois et tout ça. Ça en était ridicule. On a peur. On a toujours peur. De vivre d'une paye à l'autre, c'est inquiétant. Oh! Puis nos payes, c'est pas 100 $. C'est quand même c'est plusieurs centaines de dollars, des fois des milliers de dollars par semaine ou deux semaines. Et donc, on craint. On craint tout le temps. Il faut toujours plus. La seule façon, finalement, d'en avoir assez, ce serait d'être multimillionnaire. Et même là, le très riche est anxieux. Je le sais, parce que j'en connaissais à Albuquerque, des gens qui avaient des milliers de dollars, des millions de dollars, et c'est souvent les moins généreux, parce qu'ils se disent, écoute, il faut que je la paye ma maison de 6 millions, il faut que je paye mon... Une espèce d'anxiété constante. Alors, Jésus dit, partez avec rien. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'il faut arrêter d'être anxieux. Il faut faire confiance que Dieu va pourvoir. Et lorsqu'on fait son travail, chacun de nous, on fait son travail en partageant, hein, qu'on soit enseignant, qu'on soit pasteur, qu'on soit, on travaille dans un bureau, on essaie d'être un agent de sa paix. Faisons confiance que lui va pourvoir, que lui va pourvoir. Donc, Jésus dit, quand vous entrez dans une maison, n'y partez pas, ne partez pas de là. C'est intéressant. Ça fait référence au fait que si vous êtes plus ou moins confortable, n'allez pas chercher d'autres maisons. Oh, mais là, il me semble que la maison à côté, il y aura une meilleure chance d'avoir une autre chambre ou que ça soit plus grand ou plus confortable ou plus de nourriture. Acceptez ce qu'on vous donne. Acceptez ce qu'on vous donne. Ensuite, il dit que si les gens refusent de vous écouter, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ça, c'était une loi rabbinique de l'Ancien Testament qui disait que quand tu voyageais dans les terres étrangères, quand tu allais dans les terres autour de l'Israël, quand tu revenais chez toi, tu devais secouer tes pieds pour enlever la poussière de l'Égypte, par exemple, et qui était une poussière de païens, hein, de non-croyants. C'est la première fois que quelqu'un dit, à même des villages juifs, si quelqu'un refuse d'écouter votre prêche, nettoyez vos pieds devant eux comme témoignage. C'était radical. C'était un message radical. L'idée, c'est que ça envoyait un message aux gens. Vous ne voulez pas m'écouter? Ça va, je me libère de vous. Même chose avec nous. L'idée, c'est qu'il faut s'attendre à être rejeté. Vous avez remarqué? Il faut s'attendre à être rejeté. Ça fait partie du deal. Jésus dit, attendez-vous à la réjection. Ça va se passer, ça va arriver. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez être rejeté? Est-ce que vous allez vous fâcher et vous dire, ah, t'es un bel écœurant? Ou tu vas simplement te retourner avec un sourire et partir et savoir que moi, j'ai planté ma graine et peut-être que quelqu'un d'autre l'arrosera et peut-être qu'elle germera sera moissonnée un jour. Mais moi, j'ai fait mon travail. Et si on s'attend à cela, on est libéré. On est libéré. Ne pas s'attendre toujours à ce que les gens nous écoutent. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, qu'il ne faut pas oser. Oser dire les choses. Donc Jésus, encore une fois, radical, secouez vos pieds, partez. L'idée, c'est toujours une chose. C'est toujours amener les gens à la repentance. C'est ça notre désir, hein, quand on parle de notre foi. C'est pas juste les informer, leur dire, ah, il y a un Jésus, il y a une foi. C'est le protestantisme, comme je vous ai dit, souvent les gens demandent, c'est quoi le protestantisme versus le catholicisme? Bon, là, les gens aiment ça, ils aiment l'information. C'est pour ça que de plus en plus, la religion, ça devient de l'information. Bientôt, dans les écoles, ce ne sera que ça. Ce ne sera que l'information. Il y a la religion protestante, catholique, il y a l'islam, et puis, hein, tu n'as pas besoin d'être transformé, tu n'as qu'à comprendre ici, pas de problème. Le désir de notre cœur, c'est que les gens soient convertis, hein, qu'ils se repentissent. Alors, pour cela, pour amener la repentance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la prêcher. Verset 12. Ils partirent et prêchèrent la repentance. C'est bien simple. Ils ont un message. Ils partent avec un message radical et puissant, et ils y croient en ce message-là. Ça, pour nous, c'est difficile. Parce qu'on regarde autour de nous et on se dit, regarde, les gens, ils croient, les gens croient à leur message de prospérité, de je passais récemment une soirée avec un bon ami non-croyant. La seule chose qu'il pouvait parler, c'est sa carrière. C'est tout, c'est la carrière, c'est ça, sa prêche, ça, c'est son message. Il y croit mordicus. C'est ça son message de repentance. Et si on l'écoutait, on ne ferait que ça. Moi, quand les gens partent comme ça, je suis tellement vide. C'est comme, oh, ça ne peut pas être juste ça, la vie. Comme on se disait tout à l'heure, le thème de notre croisade cet été, ça devrait être, est-ce qu'il y a plus que ça? Il doit y avoir plus. On ne sait pas encore comment on va... more than this ou quelque chose. On ne sait pas comment on va mettre ça encore, mais il y a plus. Il doit y avoir plus que ça. Ça n'a pas de sens. Et on le sait, Dieu merci, il y a plus. Il y a plus que ça. Donc, le message de la repentance, c'est changer, tourner, repentez-vous. Repentez-vous. Hein? C'est le message du roi. Le message du roi. La repentance, ça fait mal. La repentance, ça fait mal. C'est pour ça que les gens ne veulent pas l'entendre. Ça veut dire qu'ils doivent quitter leur mode de vie. On va le voir dans quelques instants dans la vie d'Hérode. Mais non, je ne veux pas quitter la façon qui est si satisfaisante de vivre que je me suis donné. Je ne veux pas quitter ça. La repentance, ça veut dire quitter quelque chose. Les gens ne veulent pas quitter quoi que ce soit. Ils veulent tout. Ils veulent tout avoir. Évidemment, ils perdent tout. Hein, c'est souvent la résultante. La repentance, ça coupe, ça dérange. Ça dérange. Alors, c'est dur d'amener ça aux gens. C'est dur. Les gens, dans le fond, ils ne veulent pas être dérangés. Vous avez remarqué? C'est toujours la même pensée. Ah ben, ça entend mieux pour toi. Super. Mais ils ne veulent pas être dérangés dans leur fort intérieur. Mais nous, soyez assurés. Vous devez les déranger. C'est sûr qu'il y a des moments où on ne peut pas parler parce que notre travail nous empêche. OK. Il y a d'autres moments où on doit oser déranger l'autre. Es-tu sûr? Finalement, les amener au moins à se poser des questions. Es-tu sûr que tes choix sont les meilleurs? Es-tu sûr que tes choix sont les meilleurs? Un changement d'une vie égoïste à une vie tournée vers Dieu. C'est pas facile. Ça prend un miracle, hein? Faut pas se le cacher. C'est pas parce qu'on est des bons prêcheurs, c'est pas parce qu'on parle bien, c'est pas parce qu'on est bien équipé, c'est que Dieu doit faire un travail. Ça prend des miracles. Il y a un passage dans un roman qui s'appelle Quo Vadis. Ils ont fait un film avec ça, Quo Vadis. Vinicius, qui est un jeune Romain, tombé en amour avec une jeune femme chrétienne. Alors, il la suit de près un soir et elle se réunit avec un petit groupe de chrétiens. C'était secret à ce moment-là, sous peine de mort. Alors, ils se réunissent, un petit groupe de chrétiens dans une cave, et lui, il regarde au loin cette douce dame, et il entend Pierre, l'apôtre Pierre, prêcher. Il écoute ça, et pendant qu'il entend cette prêche incroyable, quelque chose se passe à l'intérieur de lui. Il y a un désir de suivre l'enseignement, il veut tout laisser, il a envie de tout brûler, tout ce qui, ses armures, ses livres de Platon et tout ça, il veut tout mettre au feu. Il y a vraiment un désir de tout laisser pour Dieu et pour cette jeune dame-là. C'est ça la repentance. C'est un désir de tout laisser. Vous vous souvenez quand vous avez donné votre vie au Seigneur? Tout était devenu pâle. Tout avait perdu un peu son sens. C'est merveilleux. C'est merveilleux qu'à 20, 30, 40, 50 ans, on peut avoir une expérience qui nous donne envie de tout changer dans notre vie. T'sais, on dit, il y a des gens qui ont des crises cardiaques, puis après ils veulent tout changer. Ils veulent tout changer pour quelques mois. Je sais, j'ai eu mon oncle à une crise cardiaque. Il a tout changé pendant quelques mois, puis après, pouf, ça revient. Il y a seulement la foi en Christ qui peut vraiment, vraiment vous changer profondément. C'est ça mon désir. Mon désir pour l'Église, c'est que lorsque les gens rentrent, comme je vous ai dit, ils peuvent être dérangés par le message, mais qu'ils se sentent embrassés, hein, qu'ils se sentent embrassés par la petite congrégation, par l'énergie que l'on donne. D'où l'idée que vous pouvez inviter des gens ici. Mais aussi, on voit que le message de la repentance, il y a la compassion aussi. Et ça, c'est ça, il faut équilibrer ça. Quand les apôtres, ils chassent beaucoup de démons, ils loignaient beaucoup de malades avec de l'huile et les guérissaient. Alors, c'est pas juste « Repends-toi, sinon tu vas mourir en enfer, salut. » Non, c'est « Ok, je te prêche la vérité », un peu comme on avait vu avec Samaritan's Purse, cet organisme qui va dans les endroits terrifiés par toutes sortes de situations, dans un endroit de grand désastre. Prêche la vérité, mais en même temps, tu prêches, tu donnes, t'es généreux. Cette personne-là qui est venue chez moi cette semaine, en espérant qu'ils ont vu notre générosité, hein, qu'ils ont senti qu'on les aimait, qu'on était disponible à leur écoute, qu'on n'est pas juste là en train de les juger, leur demander de changer, mais qu'on est là pour les écouter. C'est cette espèce d'équilibre-là. Et les apôtres, ils réussissent, ils arrivent, ils guérissent, évidemment, ils ont la puissance, ils guérissent et ils prêchent en même temps. Ils prêchent en même temps. C'est vraiment la compassion. C'est pas évident à obtenir comme... Donc, l'idée aussi de notre Église, il faut trouver une façon de s'impliquer dans la société. Si vous avez des idées, vous nous dites comment donner à la communauté. On l'a fait pour Noël, mais comment les gens peuvent dire « Hey, la communauté chrétienne, elle est là pour m'aider dans mes besoins personnels, pas seulement à me convertir, mais à me donner aussi. » Alors, Jésus envoie simplement. Il envoie simplement. On regarde maintenant Hérode. Hérode reçoit, lui, anxieusement. Hérode reçoit anxieusement. Alors, on continue dans le verset 14. Le roi Hérode l'apprit. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre et l'on disait Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient c'est Élie et d'autres disaient c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait saisir Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousé. En effet, Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodiade avait du ressentiment contre lui et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait. Car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint, il le protégeait, et quand il l'avait entendu, il était très perplexe. Pourtant, il l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour opportun arriva, lorsque Hérode, verset 21, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses dignitaires, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il lui fit ce serment. « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai quand ce serait la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa maman, « Que demanderai-je ? » Celle-ci répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et de lui la demander. « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Il envoya aussitôt un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean-Baptiste dans sa prison. Il apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. À cette nouvelle, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Quelle histoire incroyable, hein? Quelle histoire digne de film. Évidemment, ça a été mis dans toutes sortes de films. Quelle histoire incroyable. Hérode reçoit la nouvelle avec beaucoup d'anxiété quand il entend parler de Jésus et de ses apôtres qui maintenant sillonnent la région. Hérode, finalement, est très anxieux. Lui était... à l'extérieur de la zone de Galilée. Il était à Tibériade ou Tibère, dans une région retirée, finalement. Et c'est pour ça qu'à quelque part, Jésus, il n'en avait pas vraiment entendu parler. Mais quand les disciples commencent à faire leur travail, là, tout le monde commence à en parler. Non seulement il y a Jésus, il y a tout un groupe, hein, de six groupes de deux qui vont de porte à porte. Et là, ça commence à être intense. Regardez la perspective de notre ami Hérode ici, qui n'est pas notre ami, mais de notre personnage ici, absolument incroyable. Vous vous souvenez, Hérode, c'était le roi ou le roi des Juifs, celui qui se dit le roi et qui a très, très peur lors de la naissance. Ça, c'est le fils. C'est le fils de celui qui avait peur à la naissance de Jésus, qui avait fait tuer des enfants de 2 ans. C'est le fils. C'est la continuation de cette espèce de, hein, de maniaco excessif, là, un peu à la Saddam Hussein, qui a vraiment peur de perdre son pouvoir. La perspective, premièrement, face à Jésus. Trois perspectives. Verset 6, chapitre 15, chapitre 6, verset 14 et 15. On voit ici qu'il se demande qui il est, ce Jésus, qui il est. Verset 15, d'autres disaient c'est Élie, et d'autres disaient c'est un prophète comme l'un des prophètes. La perspective du nationaliste. Le nationaliste dans le temps de Jésus, c'est celui qui s'attendait à avoir un Messie conquérant, un roi des rois. Ils attendaient, les Juifs, un Messie qui allait venir et se débarrasser des Romains. Alors là, ce qui se passe, c'est pas ça. Jésus arrive en toute douceur avec un enseignement, hein, où il vient de l'intérieur. Alors, les Juifs du temps s'attendaient à ce que Élie, qui était le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, revienne avant l'arrivée de Jésus. D'où l'idée que la Pâque juive, vous avez entendu parler, à la Pâque juive, ils ont une table, il y a toujours une place ouverte, toute mise au complet, nourriture et tout, verre de vin, mais il n'y a personne d'assis là. Ils attendent Élie. Ils laissent la place à ce que Élie puisse rentrer et s'asseoir à table. S'asseoir à table. Et même, ils laissent la porte ouverte, entrouverte de leur maison, au cas où Élie rentrait. Si Élie rentre, c'est que Jésus s'approche. Alors malheureusement, évidemment, les Juifs ont manqué l'arrivée de Jésus. C'est malheureux. Mais ils s'attendent. À ce moment-là, ils s'attendent encore à ce que Élie arrive. Le nationaliste, c'est celui qui pense à sa nation, à lui-même. Le nationaliste, c'est l'équivalent de toutes les istes d'aujourd'hui. Le plus connu, ce serait le nationaliste au Québec aussi, mais le matérialiste. Hein, notre religion commune aujourd'hui, c'est le matérialiste. Celui qui veut satisfaire ses propres besoins. L'idée, c'est que Jésus devait satisfaire leurs besoins à eux. Venir les libérer des Romains. Donc, l'idée, et il y a ça dans la foi, beaucoup d'églises mettent l'emphase là-dessus. Jésus va vous satisfaire en vous demandant rien. Venez à Jésus, votre vie sera redoublée de joie, mais il n'y aura aucun sacrifice. Ce n'est pas du tout l'Évangile. Parce que le message, c'est « repentez-vous ». Ensuite, vous aurez la vie abondante. Repentez-vous, ça veut dire débarrassez-vous du gras, du trop-plein. Donc, nationaliste, la perspective du nationaliste. Moi, je veux que Dieu, que Jésus satisfasse mes besoins. Ensuite, la perspective de l'homme religieux. L'homme religieux, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Vous avez déjà entendu ça ici. « Oh, Jésus, c'est une bonne personne. Jésus, c'est un bon enseignant. Jésus, c'est un bon prophète. Moi, Jésus, oui, je crois comme je crois à Mohamed, comme je crois au Dalai Lama. C'est une bonne personne qui a dit des bonnes affaires. » C'est religieux. L'idée, c'est que on veut entendre parler d'un Dieu. Pas de Dieu, d'un Dieu. Puis que Jésus, comme les autres, ont une voix pour ce Dieu-là. Pour ce Dieu-là. Dans le temps des Juifs, à ce moment-là, il y avait 300 ans de silence. Il n'y avait pas eu de prophète. Et là, soudainement, on entend à travers Jésus, « Ah oui, il dit des choses intéressantes. Il dit, oui, ça a l'air d'un prophète. C'est bon, c'est bon. » Mais on est loin du Dieu, le Fils de Dieu qui nous demande d'être transformé, d'être révolutionné. Et finalement, puis on va poursuivre là-dedans, on va comprendre que c'est Hérode. C'est la perspective d'une conscience coupable. Perspective d'une conscience coupable. Alors, au verset 16, « Mais Hérode, en apprenant cela, disait, « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Alors, le gars, il vivait avec des fantômes, pas à peu près. Hein? Et il vivait avec des fantômes dans son garde-robe. Et moindrement qu'il entend parler de quelqu'un qui avait des pouvoirs ou qui était capable de faire de grandes choses, comme Jean-Baptiste l'avait fait, il a peur. Ça y est, c'est lui. Finalement, sa vie est hantée. Et ça, on le voit aujourd'hui partout. Tous ceux qui vivent dans le péché constant dans leur vie, ils sont hantés par ce péché-là. Ils sont hantés par ce péché-là. L'adultère, le mensonger, celui qui vit dans la vie homosexuelle, celui qui s'engage dans une vie d'exploitation des autres, de vol... Puis pas des vols, aller voler des palettes, là, juste pas déclarer tes impôts, puis tout le temps être en train de payer tout au noir, puis tout le temps, ils sont tentés. Ah, mais il y a une espèce d'anxiété, une anxiété. Et cette anxiété-là se traduit par toujours essayer de se mettre en valeur, se mettre en valeur. Donc, ça, c'est notre petit. La conscience coupable, c'est que Jésus, c'est que Dieu, c'est un arracheur de joie cosmique. Okay? Dieu est venu pour m'arracher la joie. Il veut m'enlever mes plaisirs de la chair. Comment ça, soudainement, je ne peux plus coucher à gauche, à droite? Comment ça, je ne peux plus prendre ma drogue? C'est quoi le problème? Ça vient me voler mon plaisir. Ça vient me voler mon plaisir. Alors, c'est ça le cas ici. Dans le cas de la vie de Hérode, c'est que lui avait fait des choix de vie et Jésus lui demandait de changer. Et il ne voulait pas le faire. Vous vous souvenez de Jean-Baptiste? Quand on dit « Ah, j'ai fait tuer Jean-Baptiste », rappelons-nous de Jean-Baptiste vite. Vous vous souvenez de Jean-Baptiste qui était dans le désert, Jean-Baptiste qui portait un vêtement de chameau, hein, et qui mangeait des sauterelles, personnage haut en couleur. Quel était le message de Jean-Baptiste? La repentance. On s'en tire pas. La repentance. Métanoïe, vous vous souvenez, un virage en U. C'était le premier qui avait prêché ça. Repentez-vous. Et le pardon. Repentance, pardon. Repentance, pardon. Les deux choses que Hérode ne voulait pas entendre parler. Et quand je dis Hérode, c'est moi dans mon titre, c'est ça finalement. C'est nous. Souvent, on veut pas se repentir. Mais des petites affaires, là, on vient de nommer des gros péchés, ou semble-t-il. Mais des petites affaires, on est fâché, on est amer, on est stressé, on est... Un des meilleurs mots, c'est cranky. Là. On est baveux, on veut pas se repentir. On veut pas se repentir. Puis on veut surtout pas demander pardon. C'est lui qui a commencé. C'est lui, il faut qu'il change, là, moi, je suis tanné. Hein? On est comme ça. Alors, le pardon, c'est suite à la repentance, tu arrêtes de faire les mêmes choses, ensuite tu vas demander pardon, tu effaces la dette, Alors Jean-Baptiste était arrivé là-dedans et on voit qu'Hérode, lui, avait marié la femme de son frère. Pourquoi? Parce qu'elle était plus belle, plus grande, plus ceci, plus cela. Jean, il dit, écoute, t'as déjà une épouse. On promet qu'Hérode avait tout un harem de toute façon, mais en plus, il fallait que ce soit la femme de son frère. Inacceptable. Et Jean lui avait dit, c'est inacceptable, inacceptable. Hérode, il continue dans son péché, comme d'ailleurs bien des gens qu'on rencontre, mais c'est l'autre autour de lui, c'est Hérodiade, sa femme, qui elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça parce que ça a fait descendre sa popularité dans le village, dans la ville, dans le royaume. Elle n'aime pas ça. Alors, elle veut faire taire Jean. Mais tu sais, un peu comme le roi, « Oh, c'est pas grave, je vais l'écouter, il est intéressant. » On voit que Hérode se posait des questions. Il se posait des questions. Même, il protégeait Jean. Continuons. On voit ici, on a vu ici les perspectives, trois perspectives de Jésus. Regardons cinq vérités tirées de l'assassinat de Jean-Baptiste. Cinq vérités qu'on puisse tirer de l'assassinat de Jean-Baptiste. Parce que souvent, dans ces histoires-là, c'est une histoire là, qu'on rencontre. Quand je lis ça, c'est intéressant, c'est beau, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Il y a toutes des choses à tirer. Oui, il ne faut pas se faire couper les têtes, ça ne fait pas du bien. Une tête sur un plat, c'est dégoûtant. Bon, non, il y a plus, évidemment, il faut creuser un peu, et on découvre qu'il y a des enseignements là-dedans. Verset 20. Verset 20 du chapitre 6. « Car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. » Il était un homme juste et saint. Premièrement, la première vérité que l'on voit ici, c'est que la puissance de la vérité sur la conscience, même la personne que vous connaissez qui semble avoir une vie vraiment tout croche, ont une conscience. Ils ont une conscience que ce qu'ils font, c'est inadapté. Je parlais avec quelqu'un qui me disait que quelqu'un qui semble pas avoir... Elle continue à faire ces mêmes péchés-là et en plus, elle prétend être chrétienne. Elle prétend être finalement quelqu'un qui fait les bonnes choses. Mais ses actions indiquent complètement le contraire. Complètement le contraire. La puissance de la conscience, c'est la seule solution. Quand la conscience est étouffée, c'est fait. C'est fait. Hérode avait encore cette conscience-là. Il est intéressant, Jean-Baptiste. Il me touche. Alors, peut-être que quelque part, plus tard, Hérode se serait converti. Peut-être. Peut-être. Mais regardez, il y a un combat à l'intérieur d'Hérode, au verset 20. Hérode craignait Jean. Il était très perplexe. Pourtant, il l'écoutait avec plaisir. La puissance du péché maître. Du péché maître sur la vie. Péché maître. Donc, ici, on voit que Hérode reconnaît l'intérêt de Jean, mais il est sous l'emprise du péché. Hérode peut pas envisager de ne pas vivre sans Hérodiade. Comme je vous dis, elle est plus belle, elle est plus grande, elle est plus ci, elle est plus ça. C'est vraiment ça notre monde aujourd'hui. Je ne peux pas laisser mon péché. Comment? Voyons donc, je ne peux pas arrêter d'avoir mes aventures. Je ne peux pas arrêter de vivre avec une fille parce que Dieu me dit qu'il faut que je sois marié. Ça n'a pas de sens. On n'est pas prêt à laisser le péché qui est devenu maître sur nous. Finalement, le péché est devenu maître. Même s'il doutait, on voit qu'il n'est pas prêt à laisser Hérodias. Nous, dans le fond, il faut faire attention. Parce qu'il y a des petits péchés qui peuvent se glisser dans nos vies. Hein. Petits péchés, toutes sortes de choses. Comme je vous ai dit, l'amertume, c'en est un. Ça peut être l'égoïsme. Ça peut être des choses qui semblent petites, le manque de foi, la crainte. Oh, ben, j'y arriverai pas. C'est un péché, ça, selon la parole. Ensuite, ça peut être plus mondain, les films de sexe qui sont partout à la télévision. Oui, mais c'est pas grave, juste une petite personne nue là, c'est correct. Et à TQS, c'est partout, surtout au Québec, on vit dans une communauté tellement explosée que ça nous entoure partout. C'est acceptable. Mais non, ce n'est pas acceptable. Parce que c'est une porte qui t'amène justement à t'éloigner de ce que Dieu veut qu'on fasse. Alors, ces petits péchés-là qui prennent place en nous, petits péchés qui prennent place en nous, qui peuvent devenir facilement maîtres. Hein, vous vous souvenez, la parole dit « coupe ta main ». Un petit peu, touche un petit peu. Non, coupe. Arrache ton œil un petit peu. Non. Il faut être radical avec le péché, parce qu'une fois que tu le laisses entrer, il s'infiltre lentement et avec puissance. Donc, on ne faut pas se leurrer, on n'est pas protégé du péché. Ensuite, la troisième chose que l'on voit comme enseignement dans cette histoire-là, c'est la puissance de la haine contre ceux qui identifient nos péchés. Verset 19. Hérodiade avait du ressentiment contre lui et voulait le faire mourir. Pourquoi, comme je vous ai dit, Hérodiade n'aimait pas Jean? Parce qu'elle se sentait accusée. C'est la même chose dans nos sociétés. Quand nous, on parle de vérité, les gens n'aiment pas ça. On les dérange, et pas à peu près. Il y a des gens qui peuvent devenir très agressifs. Et on voit que les gens, ils veulent pas qu'on les dérange dans leur vie privée. Ils deviennent ultra protecteurs de leur système de vie. Et tu vois, ces gens-là ont un effet sur ceux qui ont encore un cœur tendre, comme Hérode, qui avait comme une écoute pour Jean. Cette femme-là dit « Non, je veux que tu le fasses abattre. Je ne veux plus en entendre parler. Hein. » Alors, c'est sûr qu'il y a des gens autour de nous qui sont comme ça. Il y a des gens plus tendres, qui ont une petite écoute, et d'autres autour qui sont très durs, qui peuvent vraiment se moquer de la foi. Attendez-vous pas à ce que les gens parlent bien de vous. « Ah oui, il est chrétien, mais il est aussi très moderne, il est super. Sa chrétienté ne dérange pas du tout. » Posez-vous des questions à ce moment-là. Quel type de chrétien êtes-vous? Ah, je suis un chrétien qui se cache bien. La parole nous dit dans Luc 6, 26, « Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous. » Que quelques-uns parlent bien, c'est correct. Mais en général, vous devriez déranger. « Non, mais je ne veux pas déranger, moi je veux être aimé. » C'est pas ce que Dieu vous appelle à être. La puissance du péché au cœur des célébrations. Pour ne pas utiliser le mot « party », je cherchais un mot francophone, « célébration », verset 21. « Cependant, un jour opportun arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses dignitaires, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. » C'est le « party », hein? C'est ça finalement. On a de l'argent, on boit du vin, on mange bien des bons camemberts, 3-4 bouteilles, on se la vit bien. À chaque fois que tu laisses la célébration prendre le dessus, on sait bien, là, dans le temps des fêtes, les nez rouges et tout ça, les gens font des niaiseries. Ils couchent à gauche, à droite, ils se tapent sur les murs avec leurs autos, Mais non seulement ça, ils font couper les têtes de ceux qui ne voulaient pas faire, qui ne voulaient pas se débarrasser. Finalement, Hérode, il ne sait pas ce qu'il voulait. Mais il est tombé en amour avec cette jeune dame-là qui est venue danser devant lui de façon très, probablement très érotique. Et là, oh, qu'elle est belle, elle est toute jeune, c'était la fille de son épouse. Et là, il lui offre le monde. Pensez-y, dans un party où les gens ont bu, les gens se sont défoncés avec la cocaïne ou autre. Toutes sortes de folies peuvent être faites à cause de ça. Donc, nous, en tant que chrétiens, il faut rester loin de ça, de ces excès-là. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de plaisir du tout, mais la parole nous dit de ne pas être sous. Ne pas être sous, mais être rempli de l'Esprit-Saint. Parce que être enivré de vin, et toute drogue est enivrante, ça veut dire que tu ne peux pas prendre un petit peu de drogue. Un petit peu de drogue, c'est correct? Non. La drogue, c'est fait pour t'enivrer. Donc, tu ne peux pas dire qu'il y a des gens qui disent « moi, je prends juste un petit peu de... » Tu ne peux pas. C'est fait pour te... C'est fait pour te... Bon. Donc, quand on laisse la porte à ce mode de vie-là, on devient accessible au travail de l'ennemi. Pas évident dans la société où les gens disent « un autre petit verre. C'est correct, c'est du vin rouge, c'est un antioxydant. » Je ne dis pas qu'on ne peut pas boire. Dans certains mouvements chrétiens, on dit que le vin, c'est complètement inacceptable. Ce n'est pas ce qu'on semble voir dans la parole, mais c'est sûr que être enivré, ça veut dire être sous. Et ça, en aucun cas, on voit ça dans la parole. Donc, le party, c'est un problème. 2 Timothée 2:22. Venez avec moi dans un petit livre. On l'a déjà vu ensemble, mais c'est un beau verset pour vous et pour les autres autour de vous. 2 Timothée 2:22. Facile, 2:2:2. On l'a déjà regardé, mais je veux qu'on le regarde parce qu'il s'applique tellement bien justement à cela. 2 Timothée, 2:22, Timothée, petite lettre vers la fin de la parole. Vous avez ça? 2 Timothée, 2:22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Les passions de la jeunesse, c'est ça. C'est le sexe, la drogue, le rock and roll. Pas que tous les jeunes devraient le faire, mais malheureusement, c'est souvent notre cas, et c'est le cas des jeunes, on parlait de ça tout à l'heure, les jeunes d'aujourd'hui. Nous, il faut fuir ça. Il faut fuir ça. Non, mais écoute, fuir, ça veut dire quoi? Courir de l'autre côté. Non, mais un petit peu, là, juste un petit peu, télévision, TQS. 11 heures, c'est correct. Non, fuyez. Un petit peu, juste un petit peu de gin, un autre petit verre. Fuyez. Pas facile. C'est pas facile dans notre société moderne. Sinon, seulement ça, mais ça fait tellement pas cool. C'est ton bain pas cool. Ne vous laissez pas leurrer, parce que lorsque vous laissez la porte, on est affaibli. Finalement, on regarde et on finit avec ceci. La puissance du serviteur de Dieu n'est pas sur cette terre. Oh non! Eh oui. Nous sommes des pèlerins, messieurs, dames. Et les serviteurs de Dieu, c'est vous. On voit, et on retourne dans Marc, on voit que cette histoire-là, qui est assez fascinante, merci, ne se termine pas bien, mais pas du tout. La tête de Jean-Baptiste est amenée sur un plat, c'est absolument terrible. Ça nous fait penser au pire film d'horreur. Et Hérodiade, ce qu'elle voulait, elle l'obtient. C'est terrible. Et les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Aïe, aïe, aïe. Son corps sans tête, c'est absolument impensable. Bon. Ça ne se termine pas toujours bien, notre histoire. Heureusement, on ne vit pas dans une société où on peut mourir à cause de notre foi, en tout cas pas en Amérique du Nord, partout à travers le monde, c'est le cas, mais... L'idée, c'est que être chrétien de nos jours, nous sommes des pèlerins. Attendez-vous à recevoir des bijoux, des reconnaissances des gens, à recevoir une appréciation du monde, mais sachez que c'est de l'autre côté du miroir, c'est au paradis. C'est dans l'autre vie, dans l'autre monde, qu'on obtiendra vraiment le trésor que l'on mérite en Christ. que l'on mérite en Christ. Que l'on mérite en Christ. Donc, n'attendez-vous pas à avoir la puissance. Ah, moi, je suis chrétien, donc, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais Romains 8, 18 nous dit, « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure, écoutez ça, entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce qui vous attend, mes frères, mes sœurs, en Christ, ce qui vous attend au paradis, c'est inimaginable, la présence de Christ, la présence de Dieu, la présence de tous les frères et sœurs qui ont marché la terre avant nous. Finalement, arrêtez de souffrir, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'enfanter, parce que là, on vient de célébrer le premier anniversaire de la naissance de notre fils. Pas évident, donner naissance. C'est pas facile. C'est alors toutes ces difficultés-là, être malade pendant qu'on est en... Tout ça qu'on vit sur terre, c'est dur, puis on est... Ça va être révolu. Il n'y aura que joie, que paix, que libération. Je vous dis pas qu'il faut avoir hâte de partir. Mais pendant qu'on est ici, il faut pas s'attendre à... Wow! Puis non, il faut s'attendre à un défi, à un combat. Moi, c'est ce que je veux. Vous? Voulez-vous un combat? Dans les films, quand on regarde un film, qu'est-ce qu'on aime le plus? C'est les combats. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est le combat où le bien gagne. C'est pas, tu sais, le moment où ils sont assis sur la pierre, puis ils regardent au ciel, puis ils disent, ah, ils regardent au loin les méchants qui s'en viennent. Ah, c'est bien. Mais c'est ce combat-là où le méchant est vaincu. Soyez celui qui porte l'épée et qui porte la croix, comme la chanson nous dit au Canada. Jésus envoie simplement, Hérode reçoit anxieusement. Êtes-vous envoyé par Christ? Et ce, simplement. Vous êtes ses ambassadeurs. Oh non, c'est toi le pasteur, c'est toi qui parles aux autres. C'est pas le cas. Je suis bien plus caché que vous l'êtes. Moi, je suis dans mon bureau à étudier, finalement. J'essaie d'être là, d'être dehors, de parler, mais c'est vous qui êtes dans le monde. Et plus il y a de gens, plus les ambassadeurs, c'est vous. C'est le fun. C'est le fun. C'est ça qui nous donne une raison de vivre. Une raison de vivre. Puis qu'en avoir un enfant, c'est le fun. C'est d'autres ambassadeurs. C'est d'élever ces petits-enfants-là pour devenir des ambassadeurs. C'est merveilleux. Quel privilège incroyable. Ou êtes-vous dans l'autre camp? Êtes-vous celui qui reçoit ou qui reçoit la nouvelle, mais qui est anxieux, qui est inquiet? Soyez en paix, mes frères et sœurs. Allez et soyez les apôtres simplement que Dieu vous a appelés à être. On vous revoit bientôt. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Même dans une histoire comme celle-ci d'Hérode, c'est fascinant de voir ce qu'on peut apprendre. On t'aime. On remet le désir d'être un apôtre. On prie pour tous ceux qui sont des Hérodes autour de nous, et il y en a. On prie que tu ne mets pas d'Hérodiade autour d'eux et que leur cœur légèrement attendri puisse être craqué, ouvert comme une noix pour que toi, tu puisses y entrer, Seigneur. On s'offre à toi. Remplis-nous, apaise-nous. Change-nous au nom de Jésus. Amen.